بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ربنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الثوري الألفوتي الثوري القدوي رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به في الفصل الرابع في كتابه النفس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه الفصل الرابع والعشرون الحمد لله الحمد لله chapitre bi bo xolé chapitre yi nga xamantene ñom ñoy yewesu 12 ba 23 xam nga bo xolé introduction bi après mu jël 1 ba 6 muy wax ci nitu yalla yi ak fonk giñ leen wara fonk japp giñ leen wara japp mu jël 7 ba 11 muy wax ñom seen wax yi comme ñom ay borom yi xam xam lañ ay wali yu borom yi xam xam nitu yalla lañ seen wax yi nan lañ koy considérer lan lañ ci japp luñ ci dul japp nan lañ koy jëlé nuñ ko dul jëlé nan lañ koy téyé nuñ ko dul téyé nan lañu interpréter wax yi nga xamne mom moy tourner autour ak xam xam bo beugé soobu ci yoonu xam xam bobu nan ngay def ñom yi nga xamne ñoy nit yalla seen yoonu xam xam ku ci bëgg soobu ak xam xam rek de manière générale borox xam rek de manière générale nan ngay soobu méthodologie bi pour am xam xam pour jaar ci yoon bi nga xamne moy bi jaara jaar nan ngay def bo xolé chapitre ci loolu lan lay aaju comme niñ ko gissoon ak tamit comme que dañ doon wax ci affaireu dinget ci sur chapitre yu ko jitu ba ci sisi manam ci bañ leena di ngat fonku len aju ci ñoom nangul li ñi wax et cetera donc yoy yep da ngay gis chapitre 7 ba 11 ci yoy lay traiter la day traiter bax ci ci walu gogo chapitre 12 ba 23 dafa aju ci legi nitu yalla bobu nak boko kesse bax ki nga fexé ba détecter ko ba xam ko manam nga soobu nak legui ci yoonu manam comme que mbir mi amna xam nga ni war nañ xirtal nañ la ci bu ñëk bi nan nga wara def pour aju ci ñoom nga bañ leena di ngat bëgg leen fonk leen ñaaral bi moy seen xam xam luñu wax nga bañ ko di ngat nga bañ ki te xamne seen wax yi ak ni consideration bi ci wara am ah legui nak nga 12 bi ba 23 moy nga wara aju ci ñoom ak nan ngay aju ci ñoom consideration bi nga am ci ñoom manam aju ci ñoom nan ngay aju ci ñoom tegg ni tourner autour de lolu yëpp 12 ba 23 mais particulièrement ci tariqa bi tamit d'accord ay len donc bo xolé de façon générale ci borom xam xam yi la ñëkke wa nan nga leen wara fonké wa mu jall ci borom xam xam yoyu seen wax nan nga ko wara considérer voilà ak bu bëggé soop ci yoon ci yoonu xam xam nan nga wara jaar wa tégg ni nga wara am par rapport ak ñom ak ni ngay ajo ci serigne bi ak tegg ni nga wara am par rapport ak ñom relation dal entre talib ak serigne voilà bo jugé fofu nak maintenant après nak maintenant bo démé nak légui ba xam borom xoxum bobu moy kan nan nga ko foké nan nga ko rawégué maintenant nak légui nga yeen tegg nga wara am sa digënté ak mom bo nekké ak mom ban tegg nga ko wara jox nga jël bu tak ko sa baat jox ko mu tek la ci yoon bi gindi la wala nan nga wara mel ci lolu la maintenant nak légui fi nak mom légui ban lien mo am entre chapitre yi ñu wessu ak bi moy waaw moy serigne bi kon bu démé nak légui nak mom ba loolu yépp nga tek ko nga def ko seen nga nek talibem xam nañu yeen tekine ño ci wara ño wara dox seen digënté ak yeen considération maintenant nak serigne bi légui nak man gisuma lien bi entre fofu ak yi dem waaw parce que en fait lien bi moy zikar en réalité xam nga tuddu yalla moy yoon bi ñu japp dañ ci yalla bo xolé zikar yi ak lu ci aju manam lien bi mom moy le fait que serigne bi limu lay jox essentiellement zikar lay doon parce que mbolam tariqa yi mbolam serigne yi ni ñi yare sen talib yi fokk zikar am ci comprendre voilà légui nak té yoonu dem ci yalla zikar la tariqa yépp bo leen sétlo buñ né tariqa bi nangam particular dañ nan nangam la ñi zikar sen werr li la nangam nangam moy serigne bi mom secretem yépp mi ngi ci werr bi mo lay jox lolou sonu serigne bi secretem mi ngi ci ni nga fonké yow werr bi mu lay jox considération bi nga am ak par rapport ak ni nga doxale werr secret serigne ci lolou nek fofu la tarbiya bi yépp sa do concentré fofu kon zikkar bi gis nga relation bango donc bañu génné maintenant ci voilà ci seen wax ak yoy légui nak mu génné ci côté xam xam be seen wax mais limu lay jox nak légui yow nga war ko xam nga ni ngoy fonké mom serigne bi respecté ko ak yoy téggini ngay am par rapport mom légui nak fi day dugg ci mom serigne bi légui ginnaw ba respecté nga ko fonk nga ko am nga téggini yépp sa monté nga ko mom considération bi nga wara am ci mom am nga ko légui mom lamu lay jox nak yow nga war ko jëfëndiko en tant que talibé moy zikari ha objectif bi nek ak serigne moy egg ci yalla moy egg ci yalla té lolu nak day jaaré ci zikar bi mou lay jox ndax fofu le deugun secret mi d'accord parce que objectif tamit and ak serigne voilà moy egg ci yalla OK maintenant nak légui par quel moyen est-ce que voilà le cheikh voilà hein, voilà arrive à faire amener le disciple voilà vers le chemin voilà là-bas. Voilà au royaume des cieux au royaume non la quoi voilà moy dalay jox zikari voilà d'accord gisna voilà mu ngi def dem dank légui parce que ci serigne bi la jogué ñeu après ci talibé bi dana nak légui nak maintenant mu ngi dem nak légui ñom ñaar voilà ñom ñaar sen relation nak lien bi dox digënté talibé bi ak serigne bi ginnaw fonku bék wégal gék respectabilité bi yépp moy nak limu koy légué diko ko jox té fofu la ci le secret nek ci pour mu jaar dem ci yalla yoy mom moy li aju ci walu zikar ak liko donc lool nak ni ngi ko tambalé kon ci zikar jéxalé ko ci téggini zikar déjà moy 35e mais bo xolé 34e chapitre ci le tome 1 bi jéxé tome 2 bi mi ngi tambalé ci premier chapitre bi mu lekkaliko ak benen fi nga xamni fofu la wara jéxalé téré bi donc buñu jéxalé 35 dañuy jéxal premier partie bi 34 boko jéxalé dañuy jéxal premier partie dañuy jéxal premier partie inshallah légui 35 téggina ci kar rek la ci tuddu d'accord après mu commencé nak 36 mu jël nak tariqa bi particulièrement approfondissement de longtemps large manam li nga xamné mom mo dess ci masalé tariqa bi traité wuko won ba légui ba ci 35 bi traité wuko won légui yoy lay traité particulièrement mu tourner autour de particularité tariqa bi d'accord ci walu zahir ak ci walu batin d'accord ak ndenkané ak manam li nga xamantene mom mo particular de wa particular de dal tariqa bi voilà ci lolou agu d'accord bahna seigne wa ok légui kon néna kon mi ngi koy def fi fabeli ci ngeenelu ak zikr mutlaqan ci luñu doyal moy zikr de manière absolue le zikr le rappel de manière absolue wa fawaidu ak ndariñum wa fawaidi ak ndariñum wal hasb ak bi khirtal alayhi ci zikr wa targhib ak bi xemmen lo fi ci zikr min ghayri ci lu amul ta'arrud di garal nil ittimaa'i ñeel dajal lolo ñeel lako wal jahr ak biral bihi ci mom zikr wa khayru ak lanen mom dal neena lim bëgg traité dal moy zikr rek de manière générale djublu wu ci sans le fait que muy bayyi man day traité rek zikr de manière générale ak njar ñi nekk ci zikr buñ waxé zikr rek de manière générale njar ñi ci nekk le zikr de façon générale njar ñi ci nekk ak xirtal jëme ci zikr ak di xemem loni ñi pour musique légui nak sans mu traiter toute question relative au fait que ñu wara dajalo bu ñu zikar wala bok ñuy buñu zikkar ñuy wax ci kaw wala dept yoy yep traité wu ko ci buntu bi zikkar rek la traité de manière absolue donc d'une façon plus générale traité wu leneen loolu question wu zikkar ak jariñam après nak ci lay dogu ñew ci yeneeni question yi benn par benn mais de manière générale zikkar fofu tambal parce que bu la bëggé wax tar sérigne bi comme wax nañ la relation bob bi muy joxé moy zikkar yi té secret sérigne bi mi ngi ci werna bi solo ni nga respecté mbir mom rek solo non nga évoluer solo ni nga soobo ci yoon bi ak werde yim la jox respecté wé condition yim la ko joxé yépp solo lolu rek ci ngay kon ci ngay évoluer kon zikkar bobu nga xamné lepp tourne autour de ça war nga xam gëné li d'une manière générale manam rek sans dara rek zikkar nonu rek légui nak bo xolé buntu biñu wessu mom particulièrement moy li aju ci walu considération bi nga war am ci sérigne bi né mom moy père spirituel mo gëna for baye le père biologique té père spirituel bobu bo xolé da ngay gis père biologique bu lay dundal lan la lay jox nga lek nga nan et cetera père spirituel di zikkar la lay jox té lolu motax njariñ gi nek ci lolu nak daf lay day continuer ci dila wax né njariñ gogou mo upp doole njariñ gi nek ci la ci dundu gi parce que waxon na né la père spirit père biologique bi mom njariñam aduna la yam père spirituel bi njariñam day dem ba alakhirah té day continuer abadan té njariñ gogou mi manam bo xolé zikkar bi rek rien que zikkar bi mou lay jox nga xamné bo gisé ngeureelu zikkar rek di nga xam vraiment lolu dootul nekati loy meuna douté ko kon établir na déjà amna benen établir nañ ko un autre lien entre chapitre biñu wess biñu wess ak biñu ak chapitre biñu dugg wallahu a'lam zikkar buñ ko waxé de manière générale buñ né zikrullah baqa allah allah wala la ilaha illallah najidum waaw ñaar yu kessé wa buñ ko waxé de manière générale loolu ci djub d'accord motax zikrullah motax ben condition la ci borom bi tek subhanahu wa ta'ala moy lay bari wutaluko condition nga lap wutaluko condition lié wutaluko lenen sauf que amna place yo xamné kenn du ci zikr kenn du ci zikr moy kom wonaki ak beureub sobe bu boba da ngay zikare ak sa xol te zikar bi ngay def ak sa xol mo upp doolo bi ngay def ak sa lamine te zikar bi ngay def ak sa xol mën nga ko def ci place bu ne waye zikar bi ngay def ak sa lamine mëno ko def place bu ne dinañu ci ñew comme fi insha allah ci bir chapitre bi légui mu safa zikari dañuy wutante doole parce que rasul sallam amna ci ben hadith nga ko don wax ya pas longtemps moy dañ ko laj ci soufi ñaata ñoo ci gën xam ko won ban la soufi yeen ñoo ci gën mu ne xam ko won mu laj jibril alayhi salam mu wax ko ne ko soufi ci gën moy soufi nek ci jakkay moy jakkay waaw benen soufi waaw jakkay benen pak bi moy bu nek ci marché yi waaw mo ci yes waaw mo ci yes maintenant legui tuddu yalla ci marché lolou am problème abadan lolou la diggi so hadith bima waxon na la ko bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam de wax na bo duggé ci marché wax la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd al hayyul ladhi la yamut yuhyi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir yalla dalay muné dalay bindal a djuni djuni moy 1 million ci tiyaba effacer la 1 million ci ay bakkar ba fara tabaxal la 70 000 keur aljanna boy dugg ci marché ci wax bobu kessé wa légui en fait da ngay xamné nit ki mën nay def sa suné di zikkar comme li sayyidatu aisha wa radhiyallahu anha hadith mi ngi ci sahih imam muslim rahimahullah imam bukhari sax indi nako rahimahullah mais ta'liq la dako def ta'liq wala manam indi lu ko tialala mun kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru allah ala kulli ahyanihi yanantu sallallahu alaihi wasallam dalan yalla sa sunna xal boko fek mi ngi tuddu yalla moy liñ doon wax sank avant ñu tabal moy nit ki bu deme ba nga xamantene biram zahiram manam batinam fu mu tollu mi ngi zikar ruh bi mom day yek correction bi mu am ak borom subhanahu wa ta'ala kaddu yi borom bi jokkolante mom ak mom jokkolante bi mi jokkolante borom bi fu mu tollu mi ngi zikar te nit ki mën na def zikar yamul ci lamin da am zikaru lamin amna zikaru xol amna zikaru cieur cieur itam dañuy zikar wa zikar bi gën ci zikari moy alquran alquran mo gën ci zikari ci nuñu jël alquran li ci gën moy la ilaha illallah la ilaha illallah nak li ci gën moy allah motax batu allah zikr allah mo gën ci zikari Muna fa aqulu ma nga xob billahi te ci bur yalla manam da nga xamna alquran njangi ni dafa bari dañ koy jange ci lamine te moy comme niñ koy jange ni ci lamine mais fexel ba respecter teggenu tajwidi ak ci aju ciori dañuy jang alquran ciori moy ngay lan moy nga koy pratiquer nga mettre en pratique até yi nek ci alquran lolou moy jangine bi bu se ciori ni jang alquran xol day jang alquran ci ikhlas bi ngay am di selal lolou moy jang alquran xol niki lolou nit ki fex na war na fex ba buy jang alquran même ci laminam mu occulté lamit manam mu occulté lepp laminam mom gis na boromam moy wax ak mom muy joggé ci boromam di ñew ci xol bi waaye comme xol bi en réalité comme lu borom bi wax subhanahu wa ta'ala xajuma ci asamané ak suusi waaye ci xol kuma gëm la xaj en réalité kon yow boy jang alquran occulter sa bop deug la yang koy deg mais da ngay concentrer wu ba nga yek ni mi ngi joge ci yalla alquran bi di wacc waye buy wacc fan la wacc ci sa xol te xol bi kan mo fa ne yalla kon da fa joge ci yalla di ñu wacc ci yalla ruh bi day jang alquran bakkan day jang alquran sa bakkan ni nane bakkanu nit parce que bakkan moy li nek ci xol tay yor jikko yi soit jikko yu bax wala jikko yu bon nit ki nak bu melowo jikko yi nga xamne moy jikko yu borom bi subhanahu wa ta'ala non lay jange alquran non la bakkanam di jange alquran donc ciri dañuy jange alquran a travers la mise en œuvre de ce qui est écrit dans le coran à travers la loi religieuse la loi divine voilà bakkan comme tay par exemple parce que bakkan en fait moy li ne ci xol ben place la bu spécial fu muy nek ci xol fofu bu fa nek bakkan day am yu bax ak yu bon yu nek ci mom day bëgg day bañ moy yi nga xamantene moy day yor jikko yi nga xamne jikko yu soxor la ak jikko yu bax ay yermane yu da koy am ak yeneeni jikko dal moy jikko yi nga xamne legui nak nit ki su fekente ne dafa dem ba nga xamantene legui day dafa selal bakkanam mom la nane da selal bakkanam bu boba jikko yu bax rek lay am te yow ñoy jikko yu borom bi bo xole turu yalla yi jikko yi ci nek moy yu bax yi ngay gis yoy la nit ki di am non la bakkan di jangu alquran ruh mom day jang alquran ci wetal yalla kess sirru day yor moy secret fond parce que ruh ak secret duñu den monde de secret dafa xoot ci nit sirru waaw waaw dafa xoot ci nit mom buy jang alquran day jang alquran ci manam dem ba jaxaso ak yalla nit ki day dem ba jaxaso ak yalla ci fort intérieur mais ci ay melo yalla ndax jëm yalla manam jëm dans le sens nek essence ken xamuko ken duko jotté mais nak kenn xamuko kenn duko jotté moy kenn duko xam ci xel mais ruh dana ko xam ruhu nit bu libéré wo complètement ci teunki giñ ko teunki ci yaramam ak bakkanu nit ki dana xam yalla mais problème moy xel dafa touti pour mën ko exprimer xel dafa touti pour mën ko xam donc yoyep zawqiya la rek lay dal di jodon manam moy sensation spirituelle cheikh omar dara mo ne kon fa aqul ma ngi wax billahi ci bur yalla kesse kesse taala alika ya tawfiq manam ci le depp la nek yalla ñu depp la wal hadi te mom moy aji ginde yalla ñu ginde bi man yi ci xewal ila sawa'i tariq ci yoon bu jubbi mu ne i'lam xamal ne anna dhikra naka dhikr ashraful ibadat moy gën jatte di jaamu yalla yi li anna ndax kat li wër wor moy sa'iru ibadat mbolam jaamu yalla yi tan qadi day jeex bin qida'id dunya ci jeexu aduna illa lul zikrullahi zikr tuddu yalla ta'ala aji kaw ci zikr rek lu jeex kon zikr moy jaamu yalla bi gëna tedd ci jaamu yalla yi lutax xam nga wax na la yaram bi gis nga yaram yépp nu muy zikr lepp day zikr xolal sama borom neen wo im min shay'in illa yusabbihu bihamdihi wala la tafqahuna tasbihahu amul dara dara lan mo ci genn dara lulul day sabbal yalla lepp ci bir kay wa fa'lam min kullu qad 'alima salatahu wa tasbihahu lepp xamna ni mi julle ni mi sabbal yalla amul dara lu ci genn Voilà. Même yi nga xamné amuñu ruh amuñu dund sax dañuy sabbal yalla ci tagatu borom subhanahu wa ta'ala administration bi ni muy administrer ci ñom subhanallah Allahu akbar mëna ndax lan zikr aduna bi yépp bu jéxé manam mbolam yenen jaamu yalla dañuy jeex bu aduna jeexé té en plus xam nga lan nga wara xam moy mbolam jaamu yalla yalla teural zikra tax kessé wa aqimis salata li zikri taxawala julli ngir tu fatlik bi moy tax ndax zikr yalla da def na lepp ni pour jaamu fatliko be jaamu dañu sagal wala xam nga wara dalé dalé tal bu teuyé tak wéggu na lu walu gu nek lañ koy uppé ap tay buñu telon ay mat tek ko fi tal nga gis bo xolé jël xéer tek ni maam gis nga niñu non non luma lay bëgg wax nga tal mat bi affaire bi teuyé tak da nga gis walu gu nek lañ koy uppé dañ koy uppé côté bi après uppé côté bi parce que bu jëlé tan rek après worul non parce que mën na baña tak bu teuyé tak mais mën nga uppé fi de tak nga dem benen côté bi ba xam dara tak zik mbolam jaamu yalla yi ñu yalla sas bo xolé sirru deug deug bi nek ci ginnaw moy zikr moy ñuy fatali ko yalla suñu xol ak suñu xel delu wacc yalla complètement li moy secret bi ne ci ñu jaamu loñu yalla ci ñu def loñu mbolam jaamu yalla julli lolo tax sa xol ak sa xol delu wacc yalla ko sa xol ak sa xel delu wacc yalla buma bëgge lek dal na ah yalla da koy téré luma bëgg def ci ma ngi ci koor yalla da koy téré sama xol deluat ci yalla ak sama xel azaka mu yoro sarax war ko joxe ah wa xana mu jox ko ngir yalla deug la nak sama bakkan mi ngi nan ma no wuy sa projet yi nangam mais nako def ngir yalla sa xol deluat ci yalla aji makka et cetera procedure yalla nga ci xalat manam ak mbolam jaamu yalla yi mbolam yi gis jaamu yalla bakkan bugu ko cheytaane da lay digal contraire mais yow sa xel mo budé law ci yalla manam secret bi nek ci nga diko def ruhu jaamu yalla bi ci bopam moy zikat do fekk ngay tudat ngay fatali ko yalla te bo jele zikar mom kesse nga dindi yenen yépp yi tax nga xamné zikara tax ñu manam moy secret bi ne ci bir yenen yépp dañuy jeex bu fi aduna bi jeexé bam def zikar zikar moorul jeex lo rappel ki na ni commencement ni fa voilà amna nak zikar bo xamné nit ki da koy yépp ndax daf ci conscient am bo xamné conscient wu ci comme biñ wax sank conscient wu ci moy cieur yi sa cieur yi ñi ngi zikar di tuddu yalla wa yow yegoko no wo dem fatkh da koy yépp wa bo amé fatkh da koy yépp da ngoy xam han kay mais niku nonu mbolam yenen mbiri mur bi de mi ngi sabbal yalla mi ngi zikar tele bi yep ngi zikar fi liñu wër yep ngi zikar mais ñun comprendre ñu sen zikar comme alcorane la bu immin shayin amul dara bakar bi nga def sax day zikar ndax daral créatul lu lepp ay zikar di tuddu yalla Serigne Bilek Sénégal doon wax kérok né est-ce que vous savez que tout ce qui est sur la terre et les cieux invoque le nom d'Allah d'une façon tyrannique lepp ay zikar alcorane la wax ji alcorane la wa im min shay'in amul dara lulul day tuddu yalla amul dara lol fay dara gennu ci wallahi le tan ci biir def mom le tan ci legui nit ki nak mën nako xam comme mën nako baña xam mën nako yek comme mën nako baña yek mën nako deg comme mën nako baña deg lool mom day aju ci nit ñi rek ak seen may ni mu toll wa fi lawamin anwar bo demé ci téré bobu lawamin anwar fil adiyati wal azkari ni shihabuddin ñel imam cheikh shihabuddin ahmad ibn hajar al asqalani moy kan ibn hajar bo lom lugul maram ok al hafid ibn hajar radiyallahu ta'ala radiyallahu gërem allah wa ta'ala ji kaw jaanu ci mom annahum nekat ñom yaani manam lu ci nam moy al jannati wa al janna mu daawi mo na aji sax lañu ala zikri ci zikr fiha ci bir al janna li an ndax kat sa'ir al ibadat mbolam jamu yalla tan qadire jeex bil qida'i dunya ci jeex ak aduna illa zikrullah bam def tuddu yalla ta'ala aji kaw ji zikr fa innahu ndax mom zikrullah la yanqadi du jeex bal li fi nek huwa mom zikrullah mustamirun aji weyla lil mu'minina ñeel way gem ni fi dunya ci aduna wala akhirat ak al-akhirah jaalana yalla def na allah bur yalla min az-zakirina ci nga xamne ñom ñoy zikr al-faizina way taxedi al-farihina way begni al-mutma'innina way dalni alladheena ñi nga xamantene la xawfu de tit de ragal alayhim ti ñom waraw de ñom yax nañu lay way tis am tis den kon al-hafiz ibn hajar radiyallahu anhu lool la wax manam ne wa aljana ñom bo leen gisee dañuy sax ci zikr ndax mbolam jaamu yalla day jeex fi ci aduna bam da zikrullah ndax mom du jeex waye day continuer ñi pour ñi nga xamne ñom ñoy way gëm ci aduna ak al-akhirah yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamne ñom ñoy zikr fu ñu tollu di way texe ñi nga xamne dañuy bekk ñi am seen xol day dal parce que xam nga alcorane na ala bi zikrillah tatma'innul qulub ala waawi ala yego yegal ma yegal bi zikrillah ci tuddu yalla kesse waxul ala tatma'innul qulub bi zikrillah do ci tuddu yalla kesse tatma'innu ci lay dal al-qulub xol ha alladheena wala alladheena ñoy mo gaayol nga xamne ñom la xofu na lay mo la xam ñu xassal moy wallu yalla yi yo xamné amuñu tit duñu tit tit amul ci exister wul ci ñom té duñu am tristesse ak ak tis xam nga différence entre tit ak am tis tit la peur waaw la peur et la tristesse waaw être triste lu leen différence ko tit mom dafa ragal wa ndet lol mom mom yo wa da ragal ak ak ak tristesse ak ak ak am tis ragal ragal gis gis lo xamne dang ka ragal moy am am lo xamne fay ngam dang ka ragal lol la mo expliquer lan moy différence entre tristesse ak ak ak ak lay ko lan moy sen différence la tristesse ci xol lay nek la peur nak la peur c'est plus extérieur ah deux ci xol lay nek aussi wa ah non ku triste bo gisé do xamné dafa triste voilà tristesse c'est plus que la peur hein tristesse ni lay lalé wa voilà état bi lay ki ah ragal dul dul dul mais lan moy sen différence Je ne comprends pas, mais je ne peux pas expliquer. C'est que ce que je veux dire, c'est que tu sais. Voilà. Moi, tu sais. D'abord, Birmi, qu'est-ce que tu réellement, avant que tu apportes un jugement à faire. Tu sais, le hukm est un peu plus fort. C'est ce que tu as dit. C'est un peu plus fort. C'est un hukm est un hukm est un hukm. Faraon manam ramification la day guenné en tasawur ci d'abord ci def tasawur moy nga meuna taxaw djel melal mbir mi ci sam xel ba pare ba mu leer ni li rek la du lenen ni moy definition bi mom délimiter ko defal ko outul ko leppam mo do ko mon xamé bu boba sumay djel até mu meuna apporter un jugement ci mom hukmu al hukmu wa faraon an tasawur faraon an tasawur voilà tasawur manam moy lan ragal ak triste ak ak tis li len woutale li la peur moy ragal tristesse moy tis li len woutale moy ragal ci lu wessu la non non ci lu jom ci astaghfirullah ragal ci lui ci li ci kanam la ci li ñew la ça concerne l'avenir mo ngay am peur parce que mi ngi ni ci di ñew xamulo lan la voilà wala bo nga gis ko mu leral ni ci gejeum te lolu bëggoko lolu neexu la dara bëggoko da lay gañ mais ci nga jëm lolu moy ragal amma ak tis mom lu wessu la manam lo xamne dafa wessu nga nek di ku reccu affaire bi metti la manam nga am tristesse ci lo xamne dafa la recc wala ci metti bu la dal ci ginnaw ñaar yoy lolu len wutal d'accord ñom ñepp lula metti la lulay gañ la ñom ñaar ñepp lolu ñoko bok ragal ci li ci kanam la yexegul la peur wa yexegul l'avenir wa ce qui va arriver je sais pas comment ni non wala nga xam ko sax mais mi ngi ni te yaangi te nga jëm wa alors que tristesse ci lu wessu la c'est quand ki nak la kuy sapp xam xam di wouté comme des mortels manam dañuy manam moy exactitude mbiri ci lañuy wuté sinon comprendre wax ni rek ñepp mën na mais ki sa ko xam xam da war di fexé di xam définition exacte mbiri de telle sorte que fu muy wax rek lu muy wax rek mo exact ba fa wara né lay utiliser al hukm al fi'l non faraa al tasawur al tasawur wa ngene xawadil usul qaal usul la muna waqala waxna baadu baada kalam ginnaw genn kaddu kafir baada ginnaw kalam kafir kaddu gu bari bok ginnaw kaddu apres fi al hafid al hadi rahimahullah dane waqat deug deug ruya solo nañ anna alal jannati deug wa al janna yulhamuna dañ len di yenke wal alhamda sant wa tasbiha ak sabal kama kem yulhamuna nañ len di yenke wala an nafas noki manam nit buy noyé yalla lim ko inspiré noyé ci aduna nonu lañu inspiré kan ñëwa aljana nonu lañ leen di inspiré ñuy sabbal ak sant yalla sabbal ak sant yalla respiration indispensable ci nit voilà ba nga xamné yalla daf koy parce que nit buy respirer bu nek di réfléchir ah c'est lolu fa nek lo xamné ni tu t'en même pas compte voilà nonu la mel aljana sabal bi non la mel Allahu ak sante yu way amin yaquluna dañu wax nan subhanallah walhamdulillah subhanallah tu dama sa nga bur yalla alhamdulillah sante mboram sante xaj sante lillahi aj sax la ñor bur yalla mutaladdina seen bir nek adi banexu la mutaabidina deet manam ñu nek diko jaamo yalla kama kem li nga xamantene ya taladdu mom lañuy han mom lañuy banexo man mom lay banexo man ki nga xamne bi nek na ci mom daul attaché han febaru mar febar ga mom mar la bil ma'il bari di ci ndox mu sedd fek nga mar ndox mu sedd nga diko nan mi nga ci bané xoy lool la wa mais batay jam ni batay jam yalla la en fait c'est que sa jam c'est que en fait wa aljana dañu wouti ay catégorie ñu bari ñu wouté c'est que dafa am ño xamné wa aljana la am ño xamné nitu yalla la am ño nitu aljana la duñu batay duñu ben ah dedet wa aljana c'est plus général nitu aljana non wa aljana wa non nitu aljana aljana wa amna ni nitu aljana la am nga xamni nitu yalla la duñ ben wa sen di fena ko def parce que tay delu ci règle bu ngeen xone sa wa nitu aljana faram an tafaw wa c'est que nitu aljana bo kay japp na ko leen diam nitu aljana waw moy ko xamni aljana moko préoccuper mom bi mu bu deme buy jaamu yalla day jaamu yalla pour muccu ci safara di dem pour dem aljana kok muy nitu aljana kokku buñ ko jëlé dékkal ko yow markam nga xamné day daw day mom xélam moy limi préoccupé moy lor yow markam yu mbugul ba mel day gëna da metti buguma fa dem buguma ci ki bu safara dégg na ni mu taré dafa buguma fa dem han yowmal khiyam dégg na nangam ak nangam choono gogu nak mom buguma mu dal ma nangam fi manam mom préoccupation lool la bëgg dug aljana nak ci ki aljana yu neex yi nangam kofu nitu aljana la kofu bu déwé day dem aljana mé day def kofu sok gisé day def yu bax di bay yu ban mé day dem aljana parce que considération kofu nak souvent so len sétlo genre nitu yoy soobu wun ci yoonu nitu yalla yi ku soobu ci yoonu nitu yalla and ak nitu yalla pire idée bobu mom daf koy wessu da ngay gis day dem ba nga xamné day wessu façon vision bobu mom manam day gis mom yalla rek yalla moko soxal motax nitu aljana yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam dani ki geuna tedd ci nitu aljana yi bu deme aljana ñaar yoon lay gis boromam subhanahu wa ta'ala benn bi ci guddigi ci becc ci suba gi benn bi ci ngor gi par jour deux fois par jour amna nak ño xamantene ben aljuma ba aljuma lañ koy gis et cetera lool moy nitu aljana motax ñu comprendre ru hadith bobu dañuy fogné aljana ñofa nek ñepp ñoyam té ke ñu ci gëna tédd wal bok aljana ñu ci gëna tédd loolu rek lañu gis yalla alors que nitu yalla yi tout temps lañu gis yalla parce que ñom aljana bu ñu dugg aljana woon du aljana yi nga xamantene ay zakharif la moy jannatu zakharif yi aljana yi nga xamantene moy ay tol ay deex hein ay ñam yu neex pitti ki yoy du lolu kesse ay ourul ay ni et cetera seug bi nak yoy nak amna solo nak waaw amna solo non mais manam lolu nitu aljana yi ñoy calculer lolu ñom aljana biñu dugg lolu lañ fay am bi ci banexu rek alors que ñom tamit mo ñu bu ñeké aljana tamit dañuy noy dañuy dañ leen di inspirer sabbali ak sante yalla comme non alors que nitu yalla yi motax ñom li buñ koy def sabbali ak yoy buñ koy def duñ ko jaamo yalla en fait dañ koy def rek parce que non dañ koy banexo sabbal ak sante dañ koy banexo alors que nitu yalla fumu tollu mi ngi jakarlo borom fumu tollu mi ngi nek ak yalla motax mom xam nga ci aduna bi non la mel aduna bi non la mel fumu tollu mi ngi nek ak yalla non lay def tamit bu joge ci aduna bi dem ci benen aduna fumu tollu day nek ak yalla rek yalla même buy nek di kenn ku ci nek mou lay fay sey jëf mo xam aduna la wala alakhira muy fay kenn ku nek jëfum ñom nitu aduna yi nitu aduna yi ak nitu alakhira yi moy aljana ñoy yalla da len koy fay ñukoy gis ce qui fait que ñom liñu jëf yalla da len koy fay dina len wërsegeul xewal len et cetera yaatal len tout ça bu dé lu bon la xam ñu fay len ko mais en fait ñi nga xam na ñoy soppé yalla yi dëgg di nitu yalla yi dëgg dëgg dëgg ñom amuñu fay ñom ay taxaway yowmal khiyam choono yoy xamuñu lool lan la nit ñi ñom dañ koy dund motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne nit ki dina yegg ci ngeum yalla fo xamantene bu julle ña manam taxaway go 400 ane yi nga xamne mom lañu jëk taxaw limi gudd yag yeb ci julit bu gëm yalla dañ ko koy woyo falal ba melni ku julli ñaar raka melni ñaar raka yi muy julli mom bu ko yek du ko yek du yek duré bi waaw alors que ñeneen ñi ñom ñu ci daw tout résultat voilà le truc va passer tellement vite pour lui nitu yalla deug nak il est un autre voilà nitu yalla deug nak yoy yep sax du ko ci yek ndax day yek ne mi ngi nek ak yalla comme ni mu nekk mom ci aduna mom la nekkal allah bu ci bu taxu niki nonu soppem bob moy borom subhanahu wa ta'ala mom la nekkal place yi ñi wax ci yowmal khair yep mom amul fay en fait aljana bi mi dugu tamit même bu fekenteene dina nuro ak yenen nitu aljana yi ci zahir ci ay tola ki et cetera yi ñu tuddu yep sauf que mom aljana bi mi tuddu du tuddu jannatul zakharif comme bi buñ do wax sax mais jannatul ma'arif lay nek aljana bo xamne dañ tay geu dañ ko aljana yi fañuy xame yalla la Allahu Akbar kon aljana yi wuté na daw mu safa wa bo nekké aljana al ma'arif wa wa c'est vrai que nak bo aljana zakharif wa est-ce que lolu dang koy perte parce que tamit Moustapha am 70000 jabar wala 70 jabar wala ayni pitié yoyu dexi et tout ça est-ce que yoyu dang koy perte wala est-ce que day melni comme par exemple bo gisé fi Moustapha nit ko xamné ni mom deug dafa am connexion ak yalla day gis né ko yefu aduna yi zahiri mom daf ci def ci détaché wu waaw dafa deug té lepp lu ñew ci kawam dafa mel day melni day dal ci kaw mu fass ko rek mu dem dara du ko toucher est-ce que aljana nak lolu mom moy ñëwaat ci mom moy da na dund waaw si c'est-à-dire que banex ya nek fofu banexu bi muy banexu ci xam biko yalla dévoiler bopam mo gëna neex banexu yu muy banexu ci zahir ci fofu donc légui ñom danañ am li ñepp am bir aljana ci adam gëmu gëna neexé plus dinañu am lo xamantene wa aljana nitu aljana yi amuñu ko ci xam yalla ak di yalla manifesté yu muy manifesté ci ñom D'accord. Hein? Ok. Mm. Ah. D'accord. Je vais parler de l'imam Fakhruddin Ar-Razi. Je vais parler de l'imam. Surtout bon Shafi'i la ci fiqh kuko manon la kuko wala ci ñu mag ñi la bokkon ci usuliyuna yu reey la bok tam yu mag ya mag sax usuliyuna yu sur rahimahullah wa rahmatan wasi'a fi asrar at-tanzil teeram bu mag bobu tafsir kabir bobu teere bu reey la bu en fait yaaka man tafsir yi ma gisuma bu ko ci gëna reey ma sha Allah tafsir bu reey la mbolé danaka non mais c'est vrai daf ci dajalé xamatu xam xam bu paré façon bi ngi ko bindé néna fatiha la doon jëk bindu sourate ndax dama dégg ben way bu néna dama né sourate fatiha 10000 masala ñi ngi ci wala xam xam ben way né non loro ci day exagérer man ma bindu tafsir sourate fatiha pour prouver ko waye bamon bamon na bindu kamil ben yom mu bindu kamil tafsir teeru tafsir bu reey la bu am am solo xet xam xam yu bari ba nga xamantene su al-hafiz ibn kasir la suma djumul wala as-suyuti ken la ci ñom ñoo rahmalahu alayhi mais suma djumul al-hafiz ibn kasir la rahmalahu mu ne lepp ngi ci teeru bobom de tafsir xam xam bo bëgg mën nga ko fekk ci téré bob bam def tafsir wa mu ne bam def tafsir en fait téré bi téré tafsir la mënul wax ne manam amana luñ ci djublu moy dafa bëgg wax ne dafa yaatal tellement ci yenen domaine yi ke mënu to wax ne tafsir la wala ndeng la mu ne i'lam xamal ne an li wër wor moy jami'a ta'ati mbolam top yalla ay tazuru day jeex yowal qiyamati bisuf taxawabe amma da ta'atu tahlil top yalla ga mom moy di wax la ilaha illallah wa tahmid ak di sante yalla fala tazuru du jeex anul mu'min walif aji gem di le wa kayfa ana naka yumkinu lay jappande zawalu ma selu jeex selu taxu anu walif ko wal qur'an ta al qur'an yadullu day tektele ala annahum tekane ci ci ne ñom manam ay ñuway jeej gem ni muwazu bona aji sax lañu Allah alhamdulillah ci sante yalla wal muwazu wa ta sax Allah alhamdulillah ci sante yalla tuuji bu day waral al muwazu wa ta sax ala zikri ci zikar wa tawhid ak wetal yalla ci xol wala kon du jeex du na wa inna ma li ambalas moy qulna nañu muwazu bona dañuy sax Allah alhamdulillah ci sante li qawli ngir wax bu ñeel wax ngir waxu bur yalla mum subhanahu wa ta'ala aji kayaji hakayatan bi aji netlanul mumiram nek aji netlanul mumina ci ñi nga xamantene ñom ñoy way gem ni fil jannati ci aljanna ñom dañ wax nan alhamdulillahi alladhi adhaba 'anna al-hazan ci suratu fatir ayat 34 la ko netlané buñ duggé ci aljanna dañ nan alhamdulillahi khaji sant alhamdulillahi deug deug sant alhamdulillahi sant ko borom bi subhanahu wa ta'ala santone bopam bamu xamé matani do minde fi ak ñatt ge mëna sant minde fi xamné mënuñu ko sant té dafa war ci ñom ñu sant ko mu sant bopam ba paré tektal leen gogou sant ni leen sant leen mo bu lillahi né sant gogou nak aji sax la ñeur bur yalla motax nit ñi ko ci mënti gis teranga gum la mëna defal lu mu reey reey bokoy sant solo degré nit ki borom solo nit ki nga jakarlo ni mu tollu ak solo lamu la defal na mu reey bokoy sant da ngay wut ay baat yu askanonté ak lolu du deug waye yalla mom sant gañ koy sant dafa jëm jël benn baat bo xamantene ñi xam yalla ak ñi ko xamul ñi mag ñi ñi ndaw ñi ñepp mënu ñoo wésu baat boom moy alhamdullilah mëno fe wax leneen lu gëna mag wallahi alhamdullilah ok legi nak mu tuddu sama bok indi gi mune alladhi nga xamne ashabu mo yobbu anna wolif ñu alhazan ak tis tristesse gi ñu war non moko yobbe ci ñun manam kon le fait que ñu waron naron am tristesse ndax genn giñu genn aduna suñu jabot yeen fa baye suñu alal yeen baye aduna sa tristesse yoy xamne lila fatta yoy do ko am mom nitu aljana yuñ ko am wa qalu dañuy wax ne alhamdu wal khatanti aji sax la ñeel wala deug deug sante borom soona la sante aji sax la ñeel lila ñeel bur yalla alladhi mi nga xamne sadaqana mo ñu deugal wa'dahu moy ay bi mu jitu sotu ke li bi bindu ko ci suratul zumar la ay bi ni parti bob ab ayal sadaqa deug alhamdulillah wa qalu alhamdulillah alladhi sadaqana wa'ala wa awrathna aljannata wa qala fi wa fi mu commencé ci ay bi sadaqana wa'alahu alayhi abridna ko wa fi wa wa qala alhamdulillah alladhi sadaqana wa'ala wa awrathna aljannata après day continuer en fait fi day continuer lepp ci ay bi la bok sauf que mom li il a pas mis en garde lolou ko mo wax dedet bi benen ay la lolou la wax ci benen sar la lay d'accord bu sortu zumar sa voilà donc même li mu def ni ni ko dalé fi li ni ci bobbi fi waqala waqalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada wa'da fi tamit voilà ci aya la bok dernier sourate de la sourate zumar non avant wa arsalna azamata bo fi dal fa fa sha fa nima ajrun amin après watara non kon moy 74e bi monam moy avant dernier verset avant dernier d'accord bah voilà wa qala alhamdu après mon watara almalaikata hafina min hawl al'arsh yusabbihu bihamdihi wa yuqdi al-ruqi alhamdulillahi rabbil alamin d'accord voilà dang wa qala sabara fa la khala tak ci waxna da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyatuhum fiha salam surtu yunus ay 10 da'wahum senu ñaan fiya ci aljana mo subhanaka allahumma aljana mom gaay buñu bëgge dara subhanaka allahumma ak buñu gis bëgge fitax bi ñew subhanaka allahumma fitax bi la di ñew ñor ñew buñu bëgge mango subhanaka allahumma mango bi yex buñu bëgge rek subhanaka allahumma mu ñew subhanaka tuddu na ma sax sala nga bak na la kagn na la ci denal la mbolam melo yu wagne ko allahumma yow bur yalla mi ci tour yu magge ak melo yek murti tour yu rafet ak melo yek ti koy wa tahiyatuhum selu nuyo fiha ci bir aljana salam salam salam salam mo jam ay bo mota ay bi numu jexe wa akhiru da'wahum ser mujjentelu go wote alhamdulillah rabbil alamin rabbil alamin kay bu ak kay borom ndef ay bo la ilaha amul ben bur han bo xamne yeen lo lañu jang ko amul ben bur bu ñu jang ñu deug illa wa kudul mom lo ñel nako alhamdu chat fil ula ci njaal ben gu wa akhirata kala akhirah bokku alquran la lo alhamdu fil ula wal akhirah lo hukmu ilahi turjaun wala fa sabata kon mu sax annom ne kat ñoom wa aljana muwazibuna aji sax lañ alhamdu ci cient wal muwazabatu sax alhamdu ci cient muwazabatu ak sax la ala zikr ci sika di sax ci sante kay moy sax ci sika d'ailleurs cient moy li gëna kawé ci sika manam li gëna kawé ci nit ki considération mi am bu xolam deme nit ki bu deme ba yegg ci yalla xol bi fum tol doy sante yalla lolu moy mandarga biñuy xamé bi nit di xamé ne yegg na ci yalla wala dit bo deme ba lepp fo tolu sa xol di sante yalla moy yegg nga bo yeggul fofu nak dessena la yoon bu bari est ce que yow sa xol di sante yalla sa sulé yow mi suñu sori de non man yegguma fenn de paru guma sax dafa bëgg jaar ci yoon bi kexé nga bëgguma asa ñu la ci rek woru kat woru ah man de paru guma sax way ko baax wa boy dem rek yobbu ñu de paru de wo guma sax deug nit ki dal non lay xamé bu yeggé ci yalla moy fu tolo xol bu dé sante yalla loolu tax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam bo xolé baatu muhammad sallallahu alayhi wasallam ci hamdu lu joge cant ahmad ci sante lu joge haqiqatu muhammad ya haqiqatu ahmadiyya yépp sante la ndax lan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu nekké ki gëna sante yalla di sante ginnaw cant gi hamdu ba'da hamd moy muhammad ndax day sante ginnaw sante melo yiñ koy sante dafa bari ndax dafa sante yalla ba yalla rang ko mbolé melo yi sante mu tuddu muhammad wala sallallahu alayhi wasallam ahmad parce que ñaar tour yoy ñoy fi rek tourum yi yiñ ko gëna xamé yi gëna rañé ko tamit ahmad moy ki gëna sante yalla moy ahmadul hamidi rek ki gëna sante yalla ci ñi sante yalla ha motax mu raw ñep ndax mo gëna sante yalla ñep wala sant ko lu ko gëna def gis nga wa aljana gi ci sant lañu def wa yentu sallallahu alayhi wasallam amna lu wax mu ne nit yalla duko deful xewal top mu sant yalla mu wax alhamdullilah ludul ne limu joxe mo gën limu jot manam baatu alhamdullilah gogum mu wax mo gën lamu jot hatta aljana bo fa nekké yor xéewal bu reuy lu mën ti toll aljana ak la ci bir nga gis ko né alhamdullilah baatu alhamdullah bobu nga wax mo gën aljana bobu ak la ci bir alhamdullah baat la bu reuy dañ koy xeb nak waaw mu koy ginnaw ko ku tambal nek ci bismillahir rahmanir rahim jeex rek ci alhamdullah rabbil alamin manam wax ko mu leger dir dañ ko wara wax ak suñu xol alhamdullah alhamdullah sa xol diko sikar sa xol yek ko diko wax fo tollu nga koy sante nak lol bo fa yegge mo yegg la seen ko deew yegg ko amin ni ngay waxe ni mom han amin ya man ko yalla doxal amin ya rab na man ko yalla doxal ya man ko yalla doxal amin ya rab amin amin amin amin te musul ni ci prétention amin ya rab ya man ci yalla musul amin ya rab amin sa fa lolu mu bari suñu jëm yal nañ ci yalla musul ni prétention wote wo amna ben xorma ak teggine bu mota xam to mota japp moy ab talibé surtout talibé tidiane ak talibé sax serigne bu meuna do na fat mais talibé tidiane da cey gëna fédaliko bu nekké ci biir mbokam yi mbok talibé bi soit da len di jangal wala da len di expliquer dara wala yu mel non warul japp né mom da leena raw motax wala da leena fété kaw abadan téggine bobu lu bëri dañ koy sagane té bokku na ci sax warul amul won amul sax droit di len jangal ludul mu tewlu d'abord ci xolam ak xelam ne raw len de motax dede te bokku na ci teggini moy amul du roi japp ne yalla dako gis nga voilà ne mom amna manam mi ngi wutu serigne bi ci talibé yi manam mi ngi wutu serigne bi ci talibé manam mi ngi ko fay taxawal mom limu wara japp moy le seuf fekk mu nek talibé ci cheikh ahmed tidiane la da na talibé serigne bi yalla e dimbaliko ba mu bok ci talibé yi rek mom da wara japp ko kuy liggeyel serigne bi ci talibé yi pa kuy taxawu serigne bi ci talibé yi mais kuy liggeyel serigne bi ci talibé yi ak lumu leen dumay def bo xam da na jangal mo xam da leen day def cours yi mo xam day def day lal basang yi mo xam lumu meuna def bu japp ne day taxawu serigne bi ci talibé yi dede day japp ne yalla yentou sassam surtout ak serigne bi moko tan ci rôle bobu rek mom mu nek kuy wara liggéeyal serigne bi waye xéewal gi mu yor manam mom da wara gis xéewaluk serigne bi ci kawam mom pa mom ndariñ gumu amal serigne bi ci talibé yi ah teggul bu mata bay xam surtout ci njangala gis nga amna ko Seyd Ahmed Soukeri dina xé radiyallahu anhu mi ngi tuddu Cheikh Abdul Azim Al Mu'lami radiyallahu anhu nga xamne mom Seyd Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mom la tégon ci zawiya bi muy jangalé jamonom mom Seyd Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mi ngi nundu dan dafa jangalé bimu génné addu mo koy continuer def benn jour dafa tok rek jekki jekki di wax wax jekki jekki rek daw genn zawiya bi daw gaay wax ko mu ne wat na ci yalla ne dotuma togati fi mu ko di jangale wat na ci yalla dotuma ko defati wat wat bu deugur ñu la ko lutax mu ne parce que dama ki bam dama nek di expliquer jekki ci cheveti jangale dara nu yëngut mo gis ko mu yëngutu nema lu boy jangal nit ñi bul japp ne yalla raw motax woro japp ne da nga leen raw lool motax dedet dañ la fay samp kete pour lool manam yow rôle la rek bo wara def mais woro japp c'est un rôle que tu dois jouer voilà tout simplement du leneen yow mi ngi melni vigile bi da nga wara garder juma jakk ji kete du leneen amul amul ben ngeenel bo am ci kaw ñeneen ni rôle qui était attribué que tu dois remplir tout simplement c'est pas parce que yalla raw raw benen affaire la ci ngeenelu yalla la ci loxol yalla la nek raw nit ci loxol yalla la te kenn du ko lool benen affaire la ngeenel gi ci lool benen affaire la nit meuna jangale ba far mu dépasser ko après lool lool ya xam nañ ko gis nañu hein lool gis nañ ko bataay bo déggé ñu né diiw gisul diiw gisul ku melni mom diiw mom dé gisul ku melni mom lu muy tek moy la moy mo raw ay sëriñu loolu lu du ma ta bay xam après hein c'est l'histoire bi dafa bañ ne abadan dot fo mom dot ko defate parce que lolu il faut que tout le temps muy japp lolu ba pare manam bala muy tambali ne en fait du ne dama del dafa am rek lolu mo wara jouer ñen la yalla sam ñu wara ci suñu bop amen par exemple baaxul dara même amna kenen mi ngi tudon cheikh abou fatih mohammed kanoun rahmahu allah non la tudon da lan jangala fofu ci zoyo siram ci gele dara dara mo ko nat mu ne waji muy jangala faqih la bor xoxom la la ne vraiment ko xam la nak ko ko maîtriser affaire la jawahirul maani la lan jangala jawahirul maani ci zoyo ci chapitre da radela neena mu tok di expliquer neena mu yex ci ben question mais neena nga gis ni mu koy expliquer mbir mi leer diko décortiquer muy décortiquer affaire bi manam ba nga xamantene yex ci na ko xamne nak dafa commencer yex ni wala am wala que ni vraiment dal neexul ba neexul waye tek na affaire bi ma ngi tek affaire di dugg nak ci affaire rek mu ne cheikh ahmed al abdalawi radiyallahu anhu moy serigne cheikh ahmed sekeri en fait moy serigne cheikh ahmed sekeri dama al arif billah ahmed al abdalawi radiyallahu anhu ijaza bi cheikh mohammed al bashir di doomu cheikh mohammed al habib di doomu cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu ijaza bi mu bindal cheikh al hadji malik radiyallahu cheikh ahmed al abdalawi bob radiyallahu anhu moko bind ak loxo mom lako don dite mu bindal ko wa arif billah bu makla mune waji bi muy ki bu mu yek ni waji ni yek bopum vraiment mune ko li ngay wax ni di leral waxu ci cheikh tidiane bi radhiyallahu anhu yang koy developer diko developer mom mu xamné effectivement pourtant xamné ni limi wax ni la xamné ni développement bi yépp tawarkal reyna yépp mu nako li ngay wax ni ba tay comprendre loko parce que waxu ci cheikh mouride diallo dal borom xam xam mo koy comprendre te yow do borom xam xam Allahu akbar mu ko waxé lolu néna gu gis serigne bi xawam ki quoi manam mer ci affaire bobu da dou koy khas cheikh ki cheikh cheikh ahmed al abdallah radhiyallahu anhu khas ko waxti mom wax yu ñaw mais vraiment critiquer ko khas ko neena cheikh ahmed al abdallah radhiyallahu anhu ko dara dafa nopi rek bayiko bam pare mu nako li moy wala ni xamoo dara jahil nga parce que bo xamone dara ni nga waxe ni lima la wax jarul nga li nga ma wax yep rawati na ne yang koy def ci kanamu sir cheikh mitidiane radhiyallahu anhu Legi mbolo mi takaliko di nek buru ñen ñi andak Abu Cheikh Ahmed Abu Fasha Muhammad Kanun ñeneñ ñi andak Cheikh Ahmed Al Abdallah radhiyallahu anhu gaay nak ñe nak critiquer lool acte bi Cheikh Ahmed Al Abdallah def radhiyallahu anhu critiquer ko mais du ko diko critiquer di wax ci mom lu ñaw mais ñom ñepp kenn par kenn yalla di len tek ay musibo yo xamne ñuy dé ak bi ci anam yu yéme affaire yi dal waaw ba ñi ci dess xamne nak xam ngeen lan la waji men dem djéglu ko ko am kuñ ci doon wax ibnu shaqrun suma jumu ñu fa doon rahmahullah mom dam ci fuqaha yi la bok faqih la mom ci ñi ando nak benen borom ko xom bi la won manam ki doon jangale ci zawiyé ba mu démé mu né ko fek mom tam mu febar kok tam febar bu metti febar bu dayer ci la genn addu mu febar bu metti bu tar xamul won numuy def façon faj bu ne médicament bu ne utiliser nako wëru mu genti yenenbi sallalahu alayhi wasallam yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne ko lila dal c'est parce que da nga ma lor ci cheikh ahmed al abdallah bi Legi, mudari xamne kon musiba amna mudari xamne ndekene liko dal fofu lu joge mu fexé ba wolu cheikh ahmed al abdallah radhiyallahu anhu mu woko mu ñew bimu ñewé mu ne ko djegal ma ndax mu wax ko ne ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam momako wax mu man mu wax ko gentri Cheikh Ahmed Al Abdallah radhiyallahu anhu ma ngi ci sama xol mi ngi ci sedd ndax xam bi ma yek ni ndekete yenenbi sallallahu alayhi wasallam man la andal te ndekete lama waxon amul manam ne djoumuma li ma waxon ndekete deug le jour bobu djoumuma effectivement dama ko waron wax li ngay wax ni voilà lolu ko li ngay wax ni wa gëmoko dedet wala li ngay wax ni non lo wax ni dedet dane ko li ngay wax xam xam bi li ni yi ngay développer diko leral waxu ci cheikh mitidian radhiyallahu anhu deug dess nga ko comprendre ndax borom xam xam mo koy comprendre te yow do borom xam xam en fait te pourtant lim doon expliquer deug la lim doon wax yep deug la développement bi mais yeug gi mu yeug ne waji mi ngui koy wax ba nga xamne vraiment dafa yeug ne vraiment tek nga affaire bi daf ci yeug bopam lolo rek motam wax ko lolo rek na ci djublu won en fait lim ci djublu won du dara ndul tarbiya ko wax ko lolu pour mu wacce wat bopam prétention voilà mu wacce wat bopam rek ngir mu njariñ mëna djublu ci mom lolo rek ci djublu won du leneen mu xamne kon objectif bop c'est pas parce que waji xamul dara du lolu djublu wuti won lolu effectivement waji borom xom xom la motax mu nek fa ñom ñu yagg fa ñew diko deglu il maîtrisait quand même ce qu'il faisait waaw bu bax à la perfection waaw sauf que dafa ko bëggoon rek hein mu bañe prétentieux voilà bañe yegg bopam exactement la transmettre affaire bi voilà bañe ñap dañ ko mom la voilà Abdoulaye ah mo ko ndaw de la legi si moy serigne sid ahmed soukeri radhiyallahu anhu serigne sid ahmed soukeri radhiyallahu anhu neena man dama daan am ay affaire yo xamne neena bi may dogu dugg ci tariqa bek yoy damay daan jek jek ku nan ma xaar ma jox la ben sirru xaaru wala kay ma netti la ben affaire bo xamne serigne diw la deg mu wax ko nangam ki mais bu ko degge neena may douté da parce que buma xolé ni ñi netti affaire yi may douté est ce que gaay li ñu wax deug la parce que wax ji day défé deuguer day ak secret yi ñi wax yoy bamu yag man na wër mbir yépp ci yalla bëgg na xam vraiment wax yi cheikh chamita yalla da la doon wax bëgg na xam yu aju ci tariqa bi yu bari mais c'est que ñi ni ma leen gis man affaire bi dafa déssé wuur dafa déssé leer néna ba yalla defal ma xéewal ma dajé ki nga xamantene secret manam trésoru secret cheikh chamita yalla da la daf ko dajalé moy cheikh ahmed al abdallah radhiyallahu anhu aarif billah bob motax ak mom muyu lil ba yep motax mom ñi daan and ak cheikh chamita yalla radhiyallahu anhu seen lettre yi ñu doon bind ak keen ki mom bu gisee ni mu xamewé bindu bopam nono la xamewé bindu talib cheikh ñi daan and ak mom ak bindu cheikh chamita yalla radhiyallahu anhu tellement lettre yi wax yi yep la yor ci ay loxom yep mais mujju gi ndeysane mu bal ko le mu bal ko wallahi wa bango balé mu genn aduna ci fan yoy légui nak bi lolu histoire bobu tassaro wé nak gaay yépp ñu ba xam né ah sa way wala ñu xam né sa Abdallah mo yoron deug wa délal mais ki ci dess moy Cheikh Abdul Fattah bobu kanon rahimahullah mom ndeysane mom tamit mu febar bo xamne dafa bëggol cheikh ahmed abdallah radhiyallahu anhu ñew tamit mu jéggalu ko ndax mom mënul won dem parce que febar bu da ko téewul ba ñenn ci ñi doon talibé bi sax mom ay talibé mom ñenn ñi dañ né non liko dal natu yalla wala ñi ci dess né dañ li wilaya waji moko daf cheikh ahmed abdallah bi wax radhiyallahu anhu moko daf biñ dewe cheikh ahmed abdallah dekete bokku na ci lim ko don critiquer lim ko dañ ko yow agent secret wu nasaran yi nga manam xam nga temps période coloniale bi nek agent secret yi tuba bi nga lool bokku na ci lim ko xasse mune nak bal na ko lepp bam dess lool parce que man dama dugg juugi sama rew ñew fi ngir dekk ak cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu mudema wax ne ma li tax ma nek fi moy agent secret wu tubab bi la lol ci porté ko wa lol mom mune lol mom bal mok bal na ko lepp bam dess lol ci rek ahmed tidiane daf ko gënal lepp nak radhiyallahu anhu en tout cas li ma ci djublu won dal moy lu mata baye xal c'est très important moy nit role bu non prétention baxul munuñu prétendre manam nit munta prétendre ne yegg na maqama sangam fek amul preuve ci ne yegg na fi kep ku fi wote wo ben maqam bu meuna don dañ nan la ana preuve parce que maqama bu ne dafa am ay mandarga wallahi comme bañ nekké ci biro arifi voilà 411 xam xam exactement bu ne arif nga limal ñu ak wax ñu tojal ñu xam xam bu ne lan lay firi voilà ak lan mo ci ne boko waxé boko firé ñu ne la yow arif voilà ki loko buñ ne maqama yegg ci yalla li woné lool moy fo tollu sa xol di sante yalla ak nga jibul lepp yalla nit ki mënu prétendre lool ludul deug deug mu nek lu kukoy dundu réellement mais bu yeggul fofu munu ko prétendre wala nga prétendre né ki nga talibé nga né waaw talibé pire la dañ lay lacc ay preuve wala nga prétendre ci sikar kat yu bari nga bok lu preuve bi c'est pas parce que da ngay yor cruz fo toll wala sa lammi li ngi yeungatu fo toll zikar deug bi tax ñu wax ci xol bi la et cetera jere jeuf señ bi do dawam fi subhanakallah wa wa no daanal ko wa inshallah ah kon munawal muzawazawatu deng kon di saxo alhamdu ci cyant muwazawatu ak saxo la la deger ci kan kon fa alayna warna ci ñun min hada ci lu ko dalé fofu ne amna ne kat jami' al ibadatu bolam jamu yalla izaratun aji saxla an ahli al jannati wal wa al jannatu aljana illa bam bistata zikr top yalla ga mom ci kan la wa qala waxna ba'd mufassirin lan ni tafsir kat yi fi qawli ci wax bi nga xamne wax rek mo borom subhanahu wa ta'ala aji kawaji neena da'wa um sen ñaan fi ha fofé ci aljana seru wote subhanakallah moy gatch nga la mayo bur yalla mu ci turu mag yek mu ci turu rafet rek nga la yekati ko yi manam lool moy inna hal yor wor moy loolu non moy subhanakallahumma alamatun moy mandarga bayna bayna bi nek ci digeenti ahlul jannati wa aljanna wa bayna khadamihim ak seeni manam ñeleen di liggeel fi ta'am ci ñam fa iza aradu buñu namme at ta'am ñam buñu namme ben ñam qalu dañ nan subhanakallahumma fa yahduruna bu ko defé gaay daadi tax daadi ñew ti yow manam ñeleen di liggeel ñew law ñeleen fi waqti ci waqtu wa ma yastahuna ñu daadi indi li nga xamantene mom lañu xemem lañu bëgg lañu lañu banexo alal mawaidi ci kaw tabal yi nga xamantene moy tabal gis nga tabal yi ñi servir kullu maidatin bepp tabal nak meelun fi meelun meel meel xam nga waaw meel xam nga le meel dedet meel xam nga son kay xam nga ko 10 kilo comme kilomètre la miles miles wow parce que pour les miles donc miles mille mille d'accord mille mom la arab di wax fofu lu barbe di wa barbe barbe arab la mille wow bar kon anglais dañ ko sacc mais non mais attention de touba bi tamit xam nañ ko le mille mille lañ wax touba wow wow m i l wow m i l s l e da fam s non non non m i l e 1000 ben moy mile waaw ci anglais d'accord boudé pluriel mom lañ wax miles waaw voilà mais 1000 ci tubab ci arab la d'accord donc bo xolé ci nu ngi koy utiliser francophonie ñom kilomètre lañu utiliser kilométrage non mais en anglais ñom ñoy def miles bo xol la paré non xara anglais ak ki legui jamono ji ñu nek ñepp kilomètre lañu utiliser jamono ji presque ma ben 1000 mile mom moy suma joomul 1,33 kilomètre wala bok 1,33 mile moy 1 kilomètre voilà en tout cas ben la ci ñom ñaar yoy voilà d'accord legui lool mom moy loolu unité de mesure la rek waaw légi 1000 fi 1000 fi 1000 fi 1000 1000 sur 1000 1 mile sur 1 mile voilà 1 mile sur 1 mile la table bi di mel d'accord di nek ñu tégal leen ci ñam yi ñom dañ nan subhanakallah mo rek acha rek serviteur yi ñew serveur yi daal ñew moy goor xalé yu ndaw yoy wa ñew yu rafet yoy daal ala kulli ma'idatin ci kaw table bu nek nak mom 70,000 djuroom ñaar fukki jooni saxfa ci ay plaque assiette 70,000 fi kulli safhatin assiette bu nek alwanun ay xet ay couleur ay xet ay façon ay variété min at'am ci ay ñam d'accord la yushbihu du nuro ba'daha lan ci ñom ba'dan la ci res duñu nuro fa iza farighu buñu paré nak min ta'ami ci ñam nga hamidullah ñu sant yalla qala muné mom kan fakhruddin ar-razi rahmalahu fa zalika lol qawlu moy waxam bi borom subhanahu wa ta'ala waxne da'ahum senu wote fiha ci bir aljana subhanakallah moy liñ wax wa tahiyyatuhum senu nuyo fiha ci bir aljana salam wa akhir da'ahum manam liñuy mujjé wote manam senu ñaan gi li ci mujj moy buñu lekke ba pare moy ane moy ane moy ne lan alhamdulillah rabbil alamin ba bobu intaha fi wax yo ñu yam fofu ñun tamit wax jeexale ko ci alhamdulillah rabbil alamin wallahu a'lam sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.